Bonjour, c'est Fred et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Dr Disco et Mr Funk. Le week-end s'est bien passé ? Il va bien continuer, rassurez-vous. D'ailleurs, on va démarrer tout de suite avec la découverte du jour. L'heureux élu est le groupe Inner Life avec son titre I Like It Like That. C'est un groupe actif entre 1979 et 1986. Il est composé de trois femmes, dont la célèbre Jocelyn Brown, qui pour sa part fera partie aussi du groupe Change et chantera aussi pour Seron. Rien que ça. Trois albums sortiront durant cette période. L'extrait qu'on va écouter provient de leur dernier album, Inner Life 2. Prêt au départ ? C'est l'heure de notre rubrique des 100 hits. À l'honneur ce jour, le grand Barry White. Sensuel, orchestral et funky, la soul de Barry a inspiré et accompagné l'évolution du disco. C'est lui qui, en 1973, compose Love Theme pour Love Unlimited. C'est un titre qui enflammera les dance floors. Mais c'est avec You're the First qu'il attire la lumière sur lui. Il s'agit d'une chanson country que l'auteur a adaptée en changeant les paroles et en y mettant plus de groove. Dans l'intro, on peut facilement imaginer le galop d'un cheval. Sa voix suave et chaude est soutenue par les choristes de Love Unlimited. Cela donne une chanson qui devient le plus grand hit de Barry. Alors sur l'album figure aussi Can't Get Enough of Your Love Babe, qu'il talonne en termes de popularité. You're the First a traversé les générations et devient un incontournable des mariages. Barry White continuera durant l'ère disco à enflammer les discothèques avec une musique dansante mais toujours envolée d'un voile de satin. Profitez, profitez! We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. And that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. On va découvrir aujourd'hui une nouvelle rubrique, à savoir les bandes originales de films. Un des films mythiques du disco, c'est Thanks God It's Friday, réalisé par Robert Klann. Le synopsis, un animateur postule pour le poste de présentateur d'une station de radio. Beaucoup d'aventures et de mélodrames qui vont déboucher sur une soirée, sur une piste de danse, où le disco règne sans partage, bien sûr. On peut y voir la première apparition de Jeff Goldblum, vous savez, celui qui joue dans Jurassic Park. Beaucoup d'artistes de disco tournent dans ce dernier, et on peut y citer The Commodores et Donna Summer, qui obtiendra un award pour sa musique Last Dance. Premier extrait, Thanks God It's Friday de Love and Kiss. Il sert d'introduction au film. Pour l'anecdote, il sera diffusé pendant des années, tous les vendredis à 17h, sur beaucoup de radios US pour marquer le début du week-end. Alors d'autres extraits seront diffusés le mois prochain. Je vous laisse découvrir le premier. C'est parti! It's Friday, Friday. Thank God it's Friday, Friday, Friday, Friday. Hey, what a smile on your face. Things are coming your way. Out there somewhere tonight. Do do do do do. Pour le maxi du jour, on va se refaire un petit peu de France Jolie. Vous savez, une de mes chouchoutes. Et puis ça fait un bouton qu'on l'a pas écouté, donc j'ai choisi Feel Like Dancing, extrait de son second album Tonight, sorti en 1980. J'aurais pu aussi vous le présenter dans la nouvelle rubrique qu'on va voir plus tard, Face B, car il est paru à l'origine derrière la face A de The Earth to Break the Earth. Le titre aura un tel succès grâce au DJ qui se classera numéro 3 aux USA. Bonne dégustation. C'est l'heure de la pépite. Aujourd'hui, on va écouter Billy Ocean et son titre Stay the Night. Il est extrait de son album City Limits, sorti en 1980. La chanson a été reprise par Latoya Jackson et en 2002 par le groupe brésilien pour leur titre Easy Love. Assez parlé, place à l'écoute. On arrive à la fin de cette émission, mais vu qu'il me reste un petit peu de temps, je vais vous faire découvrir autre chose que du disco du funk exceptionnellement, on fait quelques incursions dans d'autres thèmes. Aujourd'hui spécial années 80, j'ai choisi de vous faire écouter un morceau que j'aime beaucoup, Kajagoogoo Too Shy, que je dédie à tous les timides. Hush, hush, I do I. Too shy, shy, hush. C'est maintenant l'heure de se quitter. Ben, j'étais ravi de partager, comme toujours, ce moment avec vous. Je vous dis bonne soirée, à samedi prochain sur Fat Jet pour un nouveau rendez-vous. Bye bye.